Petit oiseau qui vient des mers, dis-moi si l'eau est bien amère, pourquoi je m'en vais t'attraper par tes jolies plumes frisées.